bienvenue dans le cours de l'histoire où le générique ne part pas. Le générique peut-être manifeste un certain mécontentement face aux réformes proposées sur Radio France. Nous accompagnons le générique dans ce cas-là, ce qui me permet de vous parler de notre sujet du jour, de l'étonnant 16e siècle. D'un côté, la vigueur artistique de la Renaissance qui nous conduit dans les châteaux de la Loire, et de l'autre, la violence des guerres de religion qui nous mène à la Saint-Barthélemy, une boucherie. Entre les deux, une certaine représentation du monde, celle des hommes et des femmes du 16e siècle. Un monde dans lequel, avant de préparer le repas, il était nécessaire de regarder le calendrier. Jour gras ou jour maigre, avec ou sans viande, avec ou sans volaille, avec ou sans œufs, et pourquoi pas un castor, puisque l'animal vit dans l'eau, il est peut-être un peu poisson. Un monde dans lequel les fantômes sont omniprésents. Des spectres venus de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, et de nouveaux bien sûr. Des fantômes dont les apparitions ont un sens, sans doute eux aussi, attendent-ils une renaissance. Pour nous parler aujourd'hui de la renaissance du 16e siècle, de la viande et des fantômes, nous vous recevons Caroline Callard, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé « Le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, 16e, 17e siècle ». C'est chez Fayard. Dites-nous, Caroline Callard, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le fantôme comme objet d'étude pour l'historien ou l'historienne a longtemps, j'imagine, été mis de côté. Oui, c'est vrai, surtout dans un contexte français. Disons que les anglo-saxons avaient un petit peu d'avance sur nous. C'est surtout étudier les fantômes à la Renaissance qui était inédit, parce que finalement, les fantômes du Moyen-Âge avaient intéressé énormément les historiens. On se souvient des travaux de Claude Lecouteux et puis de Jean-Claude Schmitt. Et puis, ils avaient intéressé également beaucoup les 19e-istes, puisque quand on pense fantôme, on pense, toutes nos représentations, au fond, sont plutôt celles que le roman gothique anglais nous ont légué. Claude Lecouteux, qui est cité deux fois cette semaine comme une référence. Donc, mais tout à fait. Non, tout mais voilà, fait. C'est toujours intéressant de voir que la pensée d'un historien ou d'une historienne se construit dans un ensemble. C'est ça qui nous intéresse aussi, à voir tous ces fils qui se tendent. Et puisque nous parlons du 16e siècle, je me tourne vers vous, Valérie Hanin, directrice de la rédaction de la revue L'Histoire. Vous consacrez un numéro avec un dossier spécial sur manger de la viande et notamment la viande au 16e siècle, mais pas seulement. Ah non, pas seulement. Oui, bonjour Xavier. Bien sûr, pas seulement. Bruno Loriot, que nous entendrons tout à l'heure, nous parlera du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Mais ce dossier manger de la viande, on l'a imaginé dans un contexte où les végétariens, les véganes et autres antispécistes sont à l'offensive et sont en train d'essayer de nous prouver que manger de la viande serait contre nature. Alors on a eu envie de faire un dossier d'histoire qui dépasse bien sûr le 16e siècle. On plonge jusque dans la préhistoire, on va chercher du côté de l'histoire des religions pour montrer à quel point, je crois qu'on peut dire, à la lecture de ce dossier, tant ça passionne les historiens et dans des champs très divers, que la viande est un vrai marqueur de civilisation. Savoir quelle viande on mange et quelle viande on ne mange pas, lesquelles sont interdites, comment on les consomme, c'est une histoire qui est au cœur de l'histoire des hommes et depuis la préhistoire. Et nous allons, c'est vrai, faire un focus sur ce 16e siècle qui nous intéresse aujourd'hui avec Bruno Loriot qui est avec nous. Bonjour Bruno Loriot. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge et d'histoire de l'alimentation à l'université de Tours. Et vous nous appelez de Tours, effectivement. Et vous êtes l'auteur avec Marie-Pierre Aurard-Herbin pour une histoire de la viande. Effectivement, l'histoire de l'alimentation est un moment fort de l'historiographie. C'est quelque chose aussi qui paraît une évidence. Maintenant, ça ne l'était pas il y a quelques dizaines d'années encore. Bon, maintenant, ça date un peu. Oui, enfin, ça date. Il y a eu des pionniers. C'est encore difficile de quelquefois d'imposer ce sujet. Ça l'est encore, voilà. Oui. C'est encore difficile. Oui, ça l'est encore difficile, oui. Mais c'est un vrai sujet en prise avec, en tout cas, nos interrogations sociétale, comme on dit d'aujourd'hui, et évidemment la viande est centrale dans ces interrogations sociétales sur le rapport à l'alimentation. Eh bien voilà, aujourd'hui, le cours de l'histoire est une émission carnée et désincarnée, parce que nous parlons de viande et de fantômes, et nous allons au XVIe siècle pour désosser la Renaissance. En fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien pour son journal de l'histoire. Anaïs qui assure la programmation du cours de l'histoire, mais pour le moment, un bricolage magique et sonore concocté pour nous par Milena et Ligue. Milena qui réalise le cours de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Milena s'est emparée d'archives, de films. Et elle évoque les fantômes parce que la radio aussi est une histoire d'ondes spectrales. Qui pourrait imaginer que les maisons hantées existent ? Bruit étrange dans certaines maisons, pas effrayant, odeur curieuse, présence invisible. Les esprits de notre maison ont tourmenté ma famille et fait d'horribles choses. Qu'est-ce que c'était ? La dame au cou tordu. Oh, encore une. Quand je descends de là-haut, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit derrière mon dos. Et là, assise autour de la table, on a entendu marcher là-haut. Et cet esprit, donc, vous le voyez, vous ? Moi, je le vois. Je l'ai vu ! Il est juste en face de moi, là. Il me regarde tranquillement. Ça ressemble aux enzymes gloutons, hein ? Fais gaffe, il pourrait t'entendre. Surtout, ne bouge pas ! Il ne te fera aucun mal ! Ah ! Cela fait désormais 5 ans que je chasse. Ou plutôt que je cherche des fantômes. Il est 22h, la nuit vient de tomber et je suis actuellement seul dans le château le plus hanté de France. Elle viendra les chercher. Qui ça ? La dame blanche. Milena Elig qui a mêlé les archives de Lina, le film Ghostbuster, on entend la musique, et le sixième sens, vous l'avez reconnu aussitôt Caroline Callard, mais vous êtes spécialiste des fantômes, j'ai envie de dire c'est normal. Oui, mais je n'ai pas vu tous les films de fantômes parce que j'aime pas les films d'horreur, mais le sixième sens, il est remarquable. Alors vous avez étudié le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, 16e, 17e siècle. Les fantômes existent avant, bien sûr, on en trouve dans l'Antiquité, on en trouve au Moyen-Âge, il y en a partout. Quelle est la rupture qui se fait à ce moment-là ? Pourquoi particulièrement cette période vous a intéressé ? Alors, c'est vrai que ce qui frappe quand on fait l'histoire des fantômes, c'est la puissance des continuités. Hein. C'est que ce sont les mêmes histoires que l'on retrouve, qui se transforment, qu'on réactualise aussi beaucoup, des histoires de l'Antiquité qui sont recyclées au Moyen-Âge chrétien pour se transformer en exemplum, en récit édifiant pour les fidèles, et puis qui ensuite sont repris et remis au goût du jour, en quelque sorte, à la Renaissance. Donc c'est vrai qu'il y a des continuités très forte. Et votre question, elle est intéressante parce que ce qui m'a intéressée, c'était qu'est-ce qu'on historicise quand on veut faire l'histoire des fantômes ? Est-ce qu'on cherche des périodes à fantômes ? Est-ce qu'on se dit qu'il y a des périodes de l'histoire plus ou moins hantées ? Et ça, au fond, je n'y crois pas tellement, justement parce que ces continuités me frappaient. En revanche, ce qu'on peut faire, ce que l'historien peut faire, c'est contextualiser finement le mécanisme de leur évocation. Et donc le moment où ils apparaissent dans les sources, et ça c'est historicisable. Et donc pour le XVIe siècle en particulier, j'ai essayé d'isoler ce que j'ai appelé le moment spectral du XVIe siècle, avec des spécificités. Par exemple, la promotion savante dont le spectre est l'objet, c'est-à-dire que il est saisi par des disciplines anciennes, mais qui vont se servir de cet objet-là pour dire de nouvelles choses, comme la philosophie naturelle, la théologie, bien sûr, mais surtout, ça va se constituer en discipline en soi, hein, puisque Pierre Leloyer, par exemple, à la fin du XVIe siècle, qui est un magistrat angevin, va rédiger un très fort volume de plus de 1000 pages consacré au traité des spectres, hein, une sorte de spectrologie du XVIe siècle. Il est démonologue. C'est ça, il étudie les démons, quoi. C'est cet intérêt. C'est vrai que Pierre Leloyer, vous le dites, hein, il est magistrat et d'un seul coup, on est sur un métier de raison, un métier de texte, un métier de réflexion qui s'intéresse aux fantômes. On y croyait aux fantômes ? Alors, c'est la question est toujours très très dure sur les croyances. C'est, voilà, la question de la croyance. Au fond, dans ce livre, en tout cas, j'ai essayé de m'en déprendre un peu, de m'en éloigner. Bon, d'abord parce que, comme d'habitude, l'historien a du mal à sonder les reins et les cœurs, hein, comme il est d'usage de le rappeler, mais aussi parce que ce qui m'intéressait, c'était plutôt la question de ce qu'on faisait avec les fantômes. Les fantômes plutôt envisagés comme le retour des morts. Hein, vous citiez Pierre Leloyer. Il est démonologue par certains aspects de son œuvre, c'est-à-dire il s'occupe des apparitions diaboliques, il en parle, mais pas que. Et c'est l'originalité de Leloyer de vouloir en quelque sorte aussi dédiaboliser le fantôme, puisqu'il rappelle que les apparitions, elles peuvent être de trois sortes. Ce sont elles sont soit divines, soit diaboliques, et puis surtout les plus intéressantes, elles peuvent être humaines, c'est-à-dire elles reviennent du purgatoire. Donc voilà une. Mais la contextualisation, effectivement, est essentielle de comprendre ce phénomène. Celui des fantômes, qui existe sur un temps très long depuis l'Antiquité, mais que vous étudiez, Caroline Callard, au XVIe siècle, et vous avez évoqué le mot purgatoire. Et là, c'est vrai qu'on a un contexte de réflexion pour parler des fantômes. Nous allons écouter ce choix terrible entre l'enfer et le paradis que nous expliquait Jacques Le Goff. C'était en novembre 1974, à la télévision française. Quel est ce choix entre l'enfer et le paradis ? Le choix est ou bien entre l'enfer ou le paradis, et ceci pour toujours. Or, au moment où nous nous plaçons, vers 1200, d'autres perspectives s'offrent à nous. Pour la première fois, nous savons que nous pouvons aller vers une autre destination après la mort. Cette autre destination, c'est un lieu d'épreuve, au-delà duquel il y a le paradis, il y a la félicité éternelle. Et si nous pouvons l'espérer, c'est parce que un texte vient de paraître. Il s'agit de la vie de Saint Patrick. Et dans cette vie de Saint Patrick, il y a l'évocation d'un lieu, d'un troisième lieu, qui offre un espoir pour les hommes. Et ce lieu qui vient à peine d'être nommé, c'est le purgatoire. La Saint-Patrick, qui n'est pas que la fête de la bière, on l'entend bien, c'est aussi la création du purgatoire. Alors, ce purgatoire, entre l'enfer et le paradis, est pourvoyeur de fantômes. Le purgatoire existe bien avant le XVIe siècle, on l'entend avec ce que nous disait Jacques Le Goff. En quoi le purgatoire, dites-nous Caroline Callard, peut être pourvoyeur de fantômes ? D'abord, c'était assez émouvant d'entendre la voix d'outre-tombe de Jacques Le Goff, effectivement, parler de son beau livre hein, sur la naissance du purgatoire. Alors, il y a un contexte, effectivement, qui s'ouvre avec cette période 13e, 14e, 15e siècle, bien étudié d'ailleurs ensuite par Jean-Claude Schmitt pour les conséquences qu'il a sur la présence des fantômes. C'est-à-dire que à partir du moment où on crée ce tiers lieu d'où les âmes peuvent revenir pour implorer notamment des vivants des œuvres, c'est-à-dire des suffrages, des prières, des pèlerinages, etc. Ces fantômes ont un intérêt pour l'Église. Et c'est ce que montre Jean-Claude Schmitt, c'est que les fantômes font marcher le système des indulgences à plein régime. Les indulgences, oui, c'est ça. Faut nous expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui est spécifique, enfin spécifique non au XVIe siècle, mais qui focalise les attentions du XVIe siècle dans le contexte de la réforme protestante, ces indulgences. Les indulgences, c'est ce qui permet d'abréger le temps de purgatoire qu'on peut obtenir de diverses façons, mais ça passe effectivement par une transaction pécuniaire à un moment donné. Et c'est vrai que la naissance de la réforme est liée au rejet de Luther et du mouvement de pensée réformée et d'aspiration réformée de la fin du 15e siècle et du début du 16e siècle, la révolte face à ce système de religion comptable, qui est le mot qu'un l'expression consacrée. Et donc, la spécificité du XVIe siècle, justement, c'est le contexte du schisme entre protestants et catholiques. Et au cœur de ce schisme, il y a l'existence du purgatoire. Et donc, les protestants, dans leur rejet du système de la religion comptable, du rejet des indulgences, vont se débarrasser de ce tiers-lieu qu'est le purgatoire, et donc vont supprimer la possibilité pour les morts de revenir auprès des vivants. Et donc, une polémique entre protestants et catholiques va scander tout le siècle, hein, ouverte notamment par Pierre Lavater dans son De Spectris en 1569. Et donc, une polémique entre protestants et catholiques s'ouvre autour de l'existence du purgatoire, et notamment autour de... Comme la croyance aux fantômes est socialement très partagée dans ces sociétés anciennes, les protestants doivent travailler eux-mêmes à réfuter leur présence, ou en tout cas à les diaboliser. C'est-à-dire que comme les protestants reconnaissent la présence de l'enfer, donc ça peut être des apparitions diaboliques, ça ne peut pas être des apparitions, des retours de mort. Caroline Callard, le fantôme est donc un enjeu de polémique. Exactement, c'est devenu le casus belli autour desquels on bataille. Alors ce qui est intéressant, c'est que la théologie énonce des interdits très forts, hein, le rejet du purgatoire pour les protestants, mais que ils ne la tiennent pas très longtemps. Hein. D'abord parce que on voit que dans les écrits même d'anglicans, il y a des fantômes qui ressemblent quand même très très vaguement, enfin, ou très fortement plutôt, à des apparitions de mort. Hein. On pense à Shakespeare, évidemment. Mais ce sont des ministres protestants, enfin, c'est-à-dire des pasteurs anglicans, qui, dans les années 1670, je pense par exemple à Glanville, Joseph Glanville, publie une anthologie de récits de fantômes, des histoires de fantômes, parce que il se garde bien de dire d'où viennent ces fantômes, enfin on voit bien que ce sont des fantômes, des retours de mort, parce que dans le contexte du XVIIe siècle, la grande peur, c'est l'athéisme, et que le fantôme est devenu, cette fois-ci pour les protestants, la preuve de l'existence, de la survie, de l'immortalité de l'âme et de l'existence de Dieu. Il y a donc une historicité à faire du fantôme entre le XVIe et le XVIIe siècle, dans ce contexte très particulier de rivalité religieuse, guerre de religion, et puis résolution complexe au XVIIe siècle de ces conflits religieux. Le fantôme évolue à ces différents moments, il change de perception selon les uns les autres. Mais vous, Caroline Callard, quand vous étudiez cet objet qu'est le fantôme, cet objet historique, de quelles sources disposez-vous ? Donc vous dites, il y a des textes, des récits qui parlent de fantômes. Il y a d'autres choses que les récits, on peut l'imaginer, le fantôme est un objet qui est intéressant, qui fascine très facilement, et on voit bien dans notre cinéma, dans notre littérature. Il y a d'autres sources ? Alors, c'est vrai que la question des sources du fantôme est une question problématique qui m'a frappée dès le départ, c'est qu'il n'y a pas de source dédiée. En fait, le fantôme ne laisse pas de traces dans les archives, ne serait-ce que parce que, par exemple, les exorcistes n'ont pas laissé d'archives. Parce que c'est une croyance admise par l'Église catholique, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'archives de la répression qui permettrait d'enregistrer la présence des fantômes. Mais il y a d'autres contextes, plus moins attendus, qui permettent de les voir apparaître. Et notamment les procès. Et ça, ça fait aussi partie de l'entreprise d'historicisation que j'ai menée. J'ai vu apparaître des fantômes dans la justice d'Ancien Régime à partir des années 1570 en particulier. Le fantôme apparaît, par exemple, il est produit par certains. Son témoignage est produit ou évoqué par certains avocats quand il s'agit de prononcer des accusations. Le fantôme peut être produit pour accuser. Alors, comment ça se passe ? Il n'est pas appelé à la barre pour témoigner. Mais dans l'affaire Anne Dumoulin que j'ai étudiée, qui se passe en 1572, cette femme qui avait été assassinée avec tous ses enfants dans Paris cette année-là, il n'y a aucune preuve. le sac à procès est vide, hein, comme disent les avocats. Mais elle est apparue à son mari et elle a dit qu'elle lui a dit qui était le coupable, le cousin. Hein. Et donc l'avocat de Simon Bobé, le mari, le veuf éploré, n'hésite pas à produire, à évoquer ce témoignage au Parlement de Paris. Donc c'est vraiment intéressant, vous l'avez dit Caroline Callard, l'Église ne produit pas énormément de textes contre les fantômes, étant donné qu'elle peut, elle y croit, quoi. Enfin, le fantôme ne pose pas un problème à l'Église et ne pose donc pas un problème aux magistrats, dans le sens où on peut évoquer les fantômes en justice. Bah, non seulement il ne pose pas de problème, mais ce serait très grave de réfuter son existence. Et on voit que les magistrats plutôt sceptiques ont beaucoup, beaucoup de difficultés à faire valoir cette... À s'opposer à ceux qui leur présentent des fantômes, parce qu'il faut surtout pas, surtout dans un contexte de guerre de religion, il faut surtout pas avoir donné l'impression qu'on doute de leur existence. Et donc même quand il s'agit de dire cette maison n'est pas hantée, parce que l'autre cas qui fait apparaître les fantômes en justice, c'est ça, c'est les cas de maisons hantées qui permettent aux gens de quitter la maison qu'ils louent avant le terme du bail, eh bien dans ces cas-là, les avocats doivent faire bien attention à dire « Je ne veux surtout pas remettre en doute l'existence des fantômes qui est attestée par l'Église. » Dans un contexte de guerre de religion, il faut faire très attention. Alors ils vont produire d'autres contre-arguments, les preuves sont insuffisantes, ou les accusés, enfin ceux qui sont allés en justice ont d'autres intérêts. Enfin bref, il faut faire attention surtout à ne pas remettre en cause ce qui est un dogme de l'Église catholique, le purgatoire, dont le fantôme est une émanation. Voilà, donc Caroline Callard, le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, on voit bien qu'il était possible au XVIe siècle d'aller en justice pour dire « ma maison est hantée, donc je dois la quitter » ou « j'ai acheté une maison, elle est hantée, je ne veux plus l'avoir, il faut me rembourser ». C'était possible, ça nous semble, c'est vrai, très étonnant aujourd'hui. Parce qu'il y a eu cette rupture, alors je ne sais pas si c'est le cartésianisme qui a fait ça, je ne sais pas si c'est le 19e siècle et son aspect positiviste, mais aujourd'hui, ça nous semble difficile. Vous, en tant qu'historienne, vous êtes obligée de faire tout un travail, en fait, de réflexion, comment les gens pensaient le fantôme est une évidence. Oui, mais alors là, Xavier Mauduit, je vous contredis, c'est pas du tout difficile à penser aujourd'hui, puisque en 1989, la Cour suprême de New York, en la personne du juge Israël Rubin, a estimé qu'une maison dans l'État de New York était hantée, juridiquement hantée. Donc, il y a aussi aujourd'hui, c'est l'affaire Aklès Tambovsky qui est très célèbre. Justement, on peut encore aujourd'hui faire casser une promesse de vente, comme c'était le cas dans cette histoire, pour motif de hantise. Alors la différence avec le XVIe siècle, il y en a une bien sûr, c'est que le juge ne dit pas la maison est réellement hantée. Il dit la maison en droit, elle est estimée hantée. Hein, il le dit, as a matter of law, the house is haunted. Ça a été la phrase retenue par tous et la jurisprudence le répète. C'est-à-dire qu'il a fait une différence entre le fait de droit et le fait réel, ce que ferait pas le droit d'Ancien Régime qui procède pas d'une conception anthropologique des faits. Mais il a considéré que puisqu'il y avait eu des articles qui témoignaient que la maison était hantée, que la propriétaire savait très bien que sa maison était hantée, que la rumeur publique avait établi que la maison était hantée, alors c'était un élément de préjudice qui aurait dû être porté à connaissance des acheteurs, ce qui n'avait pas été fait. Et donc il a établi une sorte de différence entre les faits juridiques et les faits que l'on pourrait établir par les preuves des faits. Donc tous nos auditeurs, toutes nos auditrices qui considèrent que leur maison est hantée peuvent demander à leur propriétaire, s'ils sont locataires, de pouvoir partir parce qu'il y a un véritable problème, car les fantômes du passé sont toujours là. Je vais vous en présenter un, mais que vous connaissez très bien, Caroline Callard, du tournant 16e siècle, 17e siècle. Ce fantôme, Macbeth, qui et jouée en 1964, papa n'importe qui, par Maria Cazares. Mettez une robe de chambre, ne soyez pas si pâle. Je vous le répète encore, Banco est enterré. Il ne peut pas sortir de sa tombe. Oli. Oli. On frappe au portail. Allons. Allons. Allons. Ce qui est fait ne peut être défait. Ce qui est fait ne peut être défait, mais je ne le dirai jamais aussi bien que Maria Cazares, Macbeth de Shakespeare. Caroline Callard, dans la littérature, il y a des fantômes magnifiques comme on vient d'entendre. Quels sont les différents types de fantômes que vous avez pu identifier en étudiant au XVIe et XVIIe siècle la spectralité de l'âge moderne? Alors pour rebondir sur... Si on peut rebondir sur un fantôme, mais pour rebondir sur le fantôme de Banco, dans Macbeth, c'est vrai que, alors moi je parle pas tel, j'ai pas traité l'énorme dossier qui est celui des fantômes dans la littérature élisabéthaine. Ils ont donné lieu à une étude assez fascinante de Stephen Greenblatt, qui est justement à essayer d'articuler la présence de cet être de fiction, hein, dont on pourrait dire que c'est une pure convention qui n'a pas de rapport avec ce que les gens croyaient ou avec les contraintes théologiques, etc. En réalité, il a essayé de montrer que ce qu'il appelait l'énergie sociale du fantôme du père de Hamlet, c'est-à-dire le succès phénoménal que rencontrent ces apparitions spectrales à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle au théâtre, procède du fait que précisément, dans un contexte anglican, on avait été amené à supprimer toutes les pompes funèbres. Puisque dans le contexte protestant, les vivants ne peuvent plus rien pour les morts. Donc les prières aux morts sont supprimées, les adresses aux morts sont supprimées, ce qui, pour Greenblatt, aurait laissé les fidèles dans un désarroi profond que le théâtre, en quelque sorte, aurait été amené à compenser ou à relayer, et il écrit effectivement que le théâtre est devenu la scène funéraire au fond de cette société anglicane. Donc moi mentionne quand même ce... Non, vous le mentionnez, c'est sûr. Ces thèses, j'en tiens compte. On peut pas passer à côté. Voilà. Mais alors, vos fantômes, ceux que vous avez rencontrés, donc nous avons, de manière très concrète, ils ressemblent à quoi? Quand quelqu'un voit un fantôme, c'est quoi? Alors ça, c'est une question très compliquée on parle du XVIe siècle. Parce que il n'y a pas de forme typique du fantôme, il n'y a pas de forme standard. Avec le drap, avec le suaire. Bon, même si l'apparition avec le suaire existe. Alors, et pour ça, il faut dire que la théologie n'aide pas, parce que les contemporains au XVIe siècle disposaient de deux théories qui permettait d'expliquer la forme que prenait un fantôme. Première théorie, le fantôme, c'est une apparition d'air émulsionné. C'est comme un nuage un peu dense. Ça ressemblerait assez dans nos représentations à ce côté vaporeux de l'apparition. Une sorte de Casper filandreux. Et l'autre théorie, c'est lorsque Dieu fait venir une âme du purgatoire sur terre, elle l'autorise à prendre le corps d'un mort, n'importe lequel. Il l'enfile comme un pyjama. C'est l'âme du mort qui enfile le corps comme un pyjama, en quelque sorte. À ce moment-là, il peut prendre n'importe quel aspect. Ce qui explique que dans de nombreux textes, il se passe souvent beaucoup de temps entre le moment où l'apparition se manifeste à un individu et le moment où il est reconnu. Et ce moment de la reconnaissance, il est toujours extrêmement dramatique, singulier, porteur de sens. À partir du moment où on peut donner le nom du fantôme, eh bien, on a fait déjà la moitié du travail de l'exorcisme. Voilà, donc on peut savoir qui est le fantôme. Et ça, c'est intéressant, Caroline Callard, parce que sa forme est sans doute difficile à comprendre en regardant les sources. Elle n'est pas précisée ou elle est très variée. Après, on sait qui sont ces fantômes. Vous en avez croisé plein. Comment ça se construit? Alors, on sait qui c'est. C'est beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. On sait d'où ils viennent. Alors moi, je me suis vraiment beaucoup intéressée donc à ces apparitions de mort. Donc ils ont toujours une biographie, effectivement, un nom, une biographie. Ce sont des proches. Hein. Alors sur le genre du fantôme, les apparitions elles-mêmes sont vraiment bien distribuées. En revanche, celui qui peut voir les fantômes traditionnellement, c'est plutôt, enfin, les hommes les aperçoivent, mais la théologie catholique. Imagine plutôt que la femme, parce qu'elle est sujette, elle est impressionnable, que la puissance de l'imagination chez elle est plus forte, elle aura plus tendance à voir des fantômes. Mais à ce moment-là, il y a un petit doute quand même sur la réalité. Hein, les théologiens sont très sceptiques à l'égard des visionnaires femmes. Et voilà, c'est plutôt... Alors, il y a une proximité qui est tracée entre la femme et le fantôme, mais c'est toujours pour le pire. Et le fantôme vient et il demande quelque chose. Le fantôme n'est pas là pour rien. Non, voilà, c'est même ce qui le distingue. Le fantôme, alors, c'est très vrai au XVIe siècle, ne serait-ce que parce que Dieu ne permet aux morts de revenir que dans la mesure où ils ont un message édifiant à confier aux vivants. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit lentement les textes, hein, pour reprendre la définition de la philologie de Jacobson, quand on s'intéresse de près aux textes, on voit que justement le fantôme déborde toujours le rôle que l'Église voudrait lui assigner. C'est-à-dire qu'il porte ce message-là, oui. Par exemple, l'apparition de Léonard de Colin à Dole en 1629 vient dire à sa nièce qu'elle a laissé quelques pèlerinages de côté, mais ils font bien d'autres choses. Et ce fantôme de Léonard, qui est un des plus beaux, des plus émouvants que j'ai rencontré, il va accoucher sa nièce, il va prendre soin d'elle, il va lui donner des conseils de puriculture, il va tenir sa maison, organiser la sociabilité des femmes autour d'elle. Donc il aura, ce fantôme va avoir un rôle fondamental qui dépasse de beaucoup le rôle édifiant où l'Église voudrait le cantonner. Je suis content, Caroline Callard, que vous évoquiez ce cas parce que le fantôme n'est pas quelqu'un d'absolument méchant. Voilà, c'était aussi une des choses que je voulais beaucoup, sur laquelle je voulais m'intéresser, enfin, que je voulais mettre en exergue, parce que jusqu'à présent, le fantôme, quand il a été traité dans l'historiographie, a souvent été associé à une figure de la peur, d'une pastorale terrorisante mise en œuvre par les prêtres. Et moi, je voulais revenir sur je voulais exhumer et mettre en valeur des cas où justement le fantôme est aux côtés des vivants et que leur action, ça fait peut-être plus écho à des sensations ou en tout cas des perceptions plus contemporaines. En tout cas, cette question que j'ai posée au fantôme, elle vient directement de notre questionnaire contemporain. On est familier du fantôme qui fait peur, mais on est aussi familier du fantôme qui est celui de nos proches avec lesquels chacun bricole comme il peut. Et au XVIe siècle, j'ai voulu effectivement savoir aussi comment les vivants bricolaient avec leurs morts. Vous le faites très bien, Caroline Callard, dans Le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, 16e, 17e siècle, chez Fayard. Restez avec nous parce que l'écho au contemporain nous ramène encore une fois au XVIe siècle et même globalement au Moyen-Âge, dès qu'il est question de la viande. Et nous allons parler de viande, allez savoir, un steak, et c'est peut-être un fantôme de vache. En tout cas, pour commencer, voici un bon morceau, pas de viande bien sûr, un bon morceau de musique, Les Joyeux Bouchers de Boris Vian. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes va en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns, trempe ici c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crève, les copains prendront la relève, et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin, faut que ça saigne. Ce sont les joyeux bouchers de Boris Vian, aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, donc une émission carnée et désincarnée. Désincarnée, nous avons parlé des fantômes. Nous étions particulièrement au 16e, 17e siècle. Carnée, nous le sommes maintenant avec de la viande, avec le magazine L'Histoire, notre partenaire. Vous êtes là, donc Valérie Hanin, directrice de la rédaction. Manger de la viande, c'est vrai, manger de la viande, c'est un problème contemporain, c'est une réflexion, et en tant que directrice de la rédaction, c'est vrai que ça c'est un sujet qui, vous dites, c'est formidable, parce que là on parle à tout le monde. Après, il faut construire un dossier. C'est quoi la volonté ici dans une construction? C'est de couvrir en fait le spectre temporel? Oui, de lancer quelques ballons d'essai, mais pour comprendre comment et pourquoi la viande est au cœur des civilisations, comment la viande est là depuis le paléolithique des chasseurs, prétendument si heureux parce qu'ils ne travaillaient pas et qu'ils ne faisaient que manger de la viande et des baies, l'élevage qui est quand même, il y a 8000 ans, le porc, le bœuf, le mouton en ont fait les frais, on a élevé des animaux pour les manger, et depuis au fond, toutes les civilisations se construisent sur manger de la viande, n'en pas manger. Le porc, la viande est-elle impure? Pourquoi les juifs ne mangent pas de porc partant de la même Bible et les chrétiens mangent de tout? Bruno Loriot pourra dire à quel point. Pourquoi Jean-Noël Robert nous fait un joli article, très sérieux professeur au Collège de France, qui a tenu à intituler son article « Du porc dans le Bouddha Bowl » et qui en surprendra, je pense, plus d'un. Mais les anthropologues se sont intéressés à ça, la viande, est-ce qu'on la mange crue, est-ce qu'on la mange cuite, la viande des riches, la viande des pauvres, le carnaval, évidemment, le jeûne, l'industrialisation, la filière viande, les abattoirs de Chicago, comment la consommation de viande a beaucoup, beaucoup monté depuis le XXe siècle. Emmanuel Cronier nous parle de la viande au cœur de la Première Guerre mondiale. Les soldats ont une ration de 500 grammes de viande. C'est quand même une époque aussi où on invente la viande à boire. On se souvient du viandox de nos grands-mères, mais on a inventé des manières de boire de la viande. Et puis toujours en contrepoint, ceux qui critiquent, ceux qui s'interrogent, ceux qui parlent de la souffrance animale, et qui en ce moment, évidemment, on voit au chapitre de façon tout à fait, parfois tonitruante. Donc le dossier sur la viande dans le magazine L'Histoire, Valérie Hanin, et dans ce dossier, nous trouvons votre contribution, Bruno Loriot, de la viande à tout prix. C'est vrai que c'est formidable quand vous dressez ce rapport de l'être humain à la viande, particulièrement donc au Moyen-Âge, notamment sur le calendrier. Et on est sur du très très concret. Bruno Loriot, le calendrier, au moment de faire les repas, faut regarder quel jour on est, parce qu'on peut pas cuisiner autrement. En effet, bonjour. En effet, on ne peut pas cuisiner autrement. Il faut tenir compte d'un calendrier qui, grosso modo, distingue ce qu'on peut appeler les jours gras, c'est-à-dire les jours où, en fait, on peut consommer ce qu'on veut, y compris de la viande et des graisses animales. Et puis les jours maigres, même si le terme apparaît vraiment seulement à la toute fin du Moyen-Âge, où on est soumis donc à un certain nombre de restrictions. Ces restrictions d'ailleurs varient énormément selon les lieux, mais enfin grosso modo, on peut dire qu'il y a... toutes ces restrictions en fait sont fondées sur un principe que je voudrais rappeler d'abord, c'est-à-dire c'est la pénitence. Ce ne sont pas des interdits, contrairement par exemple au judaïsme ou à l'islam, où il y a des communautés hein, musulmanes et juives à l'intérieur de l'Occident à l'époque, mais il n'y a pas d'interdit chrétien. Il n'y a plus d'interdit chrétien en fait depuis le Xe siècle, il y a juste une volonté de pénitence, c'est-à-dire une volonté d'enlever aux personnes, aux chrétiens, aux fidèles, la possibilité de consommer ce qu'ils veulent, de les mettre dans cet état de pénitence qui précède au fond les grandes fêtes chrétiennes. Donc ça peut être le carême qui précède Pâques, ça peut être aussi, par exemple, les veilles de grandes fêtes, les vigiles. Pensez au fait que, par exemple, encore aujourd'hui, en Provence, on consomme lors de la veille de Noël le gros souper. Le gros souper, c'est un souper maigre, sans viande, avec du poisson, par exemple, et des légumes. Donc, c'est toute une série comme ça d'obligations, le vendredi, le samedi de chaque semaine. Ça, on s'en souvient, c'est vrai, le poisson du vendredi. Voilà, donc tout ça... se constitue progressivement tout au long du Moyen-Âge. Et si on regarde les choses, évidemment, comme ça, globalement, on a l'impression qu'effectivement, c'est très restrictif. Alors, ce que j'ai peut-être voulu montrer, si je me permets de dire tout de suite, parce qu'il y a un titre qui est « De la viande à tout prix », et c'est parfaitement juste. C'est pas moi qui l'ai trouvé, mais je trouve qu'il est très bien. Donc, ce titre montre qu'au fond, il y a une valeur de référence qui, dans la société médiévale et encore dans la société du XVIe siècle, société de la Renaissance, il y a une continuité de ce point de vue-là. Cette valeur, c'est la viande. La viande. Oui, vous l'écrivez bien, et d'ailleurs c'est intéressant, mais la pénitence est au cœur du rapport à la viande, manger gras, manger maigre, et puis la viande fascine en fait, la viande est essentielle, il y a un attrait pour la viande, mais dans la réflexion autour de ce qu'il faut manger, on va retrouver des textes fondamentaux des pères de l'Église. Écoutez Thomas d'Aquin qui nous est lu ce matin par Camille André. Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique au XIIIe siècle, parle du jeûne. Le jeûne a été institué par l'Église pour réprimer les convoitises de la chair. Mais celle-ci porte sur les choses délectables du toucher qui se trouvent dans l'alimentation et dans les rapports sexuels. C'est pourquoi l'Église a interdit les nourritures dont la consommation procure le plus grand plaisir et celle qui excite le plus au plaisir sexuel. Or, telles sont les chairs des animaux qui vivent et respirent sur la terre, et les nourritures qui viennent d'eux, comme les laitages qui proviennent des quadrupèdes et les œufs qui proviennent des oiseaux. En effet, comme ces nourritures sont plus proches du corps humain, elles le délectent davantage et elles contribuent davantage à sa réfection. Aussi, quand on s'en nourrit, se produit un plus grand surplus qui se transforme en la matière de la semence, dont la multiplication est le plus grand excitant à la luxure. Voilà pourquoi c'est de ces nourritures surtout que l'Église a prescrit l'abstinence à ceux qui jeûnent. Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique au XIIIe siècle. Bruno Loriot, on a une vraie réflexion de l'Église sur ce qu'il faut manger et pas manger, avec des interdits qui conduit, et vous le rappelez dans votre article dans le magazine L'Histoire, à des polémiques qui nous semblent hallucinantes, mais qui sont essentielles. Par exemple, les volailles, la polémique des volailles. Peut-on manger de la volaille? Est-ce vraiment une viande? Ben voilà, c'est un petit peu la question, parce que ça concerne le monde monastique, hein, qui est soumis, lui, à un jeûne perpétuel, c'est-à-dire au sens où, théoriquement, d'après la règle de Saint-Benoît, on ne peut pas du tout manger de la viande si on est moine. Mais en même temps, il y a deux passages, je vais entrer un petit peu dans les détails de la règle, qui sont contradictoires. Il y en a un qui parle simplement de viande des quadrupèdes. Donc il y a une espèce de coin, si vous voulez, à l'intérieur de la règle de Saint-Benoît, dans lequel vont se lancer un certain nombre de moines qui vont dire, ben, il n'est question au fond que de la viande des quadrupèdes, les volailles n'ont pas été créées le même jour par Dieu que les animaux terrestres, mais le même jour que les poissons. Donc, puisqu'on peut manger des poissons lors du carême ou lors du jeûne monastique, c'est-à-dire tout le temps, eh bien, pourquoi ne pas manger du coup de la volaille? Et il y a une vraie querelle hein, au haut Moyen-Âge, à l'époque carolingienne, sur le sujet, qui finit par aboutir à une position un petit peu, on dirait, rigoriste, qui consiste à dire, bon, la volaille, finalement, c'est pas possible. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. C'est vrai que tous les végétariens ont dû croiser ça une fois dans leur vie en disant, je ne t'ai pas fait de viande, c'est du poulet. Et c'est quelque chose que l'on croise souvent. On a la même chose avec le castor, ça aussi, ça nous étonne. Mais peut-on manger du castor les jours maigres? Alors, effectivement, on a un certain... c'est toujours dans le milieu monastique hein, que la question est posée, même si ça a des effets, là, cette fois, sur la consommation des fidèles, notamment dans les régions germaniques. Le castor est un animal amphibie. Dans l'iconographie, on le représente souvent très clairement, si vous voulez, avec la queue qui trempe dans l'eau. Et par conséquent, un certain nombre de textes ont conclu que, au fond, on peut consommer la partie postérieure du castor, donc la queue et les parties arrière, en carême, durant ces périodes d'abstinence, et par conséquent, donc c'est ouvert aux fidèles qui souhaitent un peu alléger, on va dire, leur les dispenses. Enfin, alléger, pardon, les interdits, les pénitences du carême. Valériane, pardon. Ah non, oui, pardon. Bruno, oui, vous rappelez aussi dans votre article cette volonté de manger de la viande à tout prix. Vous rappelez que Jean-Louis Flandrin, qui est un des pionniers en France de l'histoire de l'alimentation, estimait que le succès de la réforme protestante, pour reparler des protestants, tenait peut-être au fait qu'elle avait supprimé et renoncé au carême. Oui, oui, tout à fait. Oui, en écoutant Caroline Callard tout à l'heure, je me suis dit, ben voilà, finalement, le protestantisme peut s'ancrer naître autour du purgatoire, mais je dirais qu'il il se consolide autour de la viande, si je peux me permettre. La viande, donc, qui est essentielle. Merci beaucoup, Bruno Loriou, parce que c'est vrai qu'il y a ces anecdotes qui nous font sourire, parce que l'anecdote a un sens historique. La querelle des volailles, faut-il manger du castor? Et la viande hachée, est-ce vraiment de la viande? Et les progrès que les restrictions ont permis dans, on parle pas encore de gastronomie, mais enfin les progrès de recettes de cuisine, il y a tout un univers à travailler, à explorer dans le magazine L'Histoire. C'est le dernier numéro. Manger de la viande, des interdits, des coutumes et des goûts. Merci beaucoup Bruno Loriou, merci Valérie Hanin d'avoir été avec nous et merci aussi Caroline Callard, Le Temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne. Mais il est l'heure, dans le cours de l'histoire sur France Culture, de retrouver celle qui n'est pas un fantôme, puisque c'est Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, une histoire de la torture et un documentaire. Comment la torture psychique est-elle devenue acceptable ? C'est la question que pose Des bourreaux aux mains propres, un documentaire d'Aubery Edler, disponible dès maintenant sur la plateforme d'Arte. Un documentaire à charge sur les fondements de la démocratie aux États-Unis à travers la légitimation de techniques de violence tout à fait raffinées. Les techniques d'interrogation renforcées utilisées par les Américains sont faites pour briser l'esprit humain et donc le corps, les deux étant connectés. Mais sans laisser de traces physiques. C'est une pratique extrêmement dévastatrice que la torture. Évidemment pour les victimes de ces violences, mais aussi pour la société qui fait sienne cette cruauté. Pour établir l'histoire de la torture mentale, historiens, politistes et philosophes dressent la généalogie des séances de torture photographiées à Abu Ghraib en 2003. Rebecca Gordon, professeure de philosophie à l'université de San Francisco, remonte la piste de ces mauvais traitements invisibles jusqu'à l'âge d'or de l'industrie du coton du XVIIe au XIXe siècle. Punir les esclaves récalcitrants sans laisser de traces pour ne pas révéler les défauts cachés de l'homme ou de la femme offerts à la vente était alors pratique courante pour soutenir un système de production fondé sur l'appropriation de corps humains poussé à l'extrême dans la recherche d'une plus grande productivité. Pendant la guerre froide, les tergiversations morales ont été balayées face à la menace réelle ou imaginaire de l'adversaire soviétique dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un souci surgit dès le début de la guerre froide, à la fin des années 40. La peur que les soviétiques aient brisé le code de la conscience humaine, qu'ils aient trouvé les moyens de briser l'esprit humain. Cela a déclenché toute cette quête qui a mené à la création de la doctrine de la CIA sur la torture psychologique. Des bourreaux aux mains propres décrit comment les responsables politiques, militaires, mais aussi les scientifiques, se sont laissés submerger par la paranoïa. Historiens et experts, philosophes, anciens agents du renseignement, avocats, ils livrent une critique acerbe des expérimentations menées dès la fin des années 40, soutenues par le témoignage de deux anciennes patientes, simples citoyennes américaines, tombées par hasard dans les protocoles médicaux de ceux qui avaient adhéré à l'ambition de percer les secrets du cerveau pour le contraindre à servir. L'expérience du psychologue Stanley Milgram, le plus célèbre, sur les procès d'obéissance très décriés, n'est qu'un des programmes qui s'inscrivent dans ses études sur la contrainte morale. Les deux piliers de la torture psychique reposent encore sur l'autocontrainte et la privation sensorielle, formulés et transmis dans le manuel d'interrogatoire QBARC, diffusé au sein des services américains et de leurs alliés. Ce n'est pas tant la guerre contre la torture qui a échoué, c'est la guerre contre la démocratie qui a réussi. Ils l'ont fait en nous terrorisant pendant des décennies. Personne dans ce pays n'a grandi sans le spectre d'un grand méchant loup, sans la peur du danger. D'abord, c'était le communisme, puis le terrorisme. Après les attentats du 11 septembre 2001, le président américain George Bush déclare la guerre au terrorisme. La guerre froide s'est terminée officiellement 10 ans plus tôt. Il faut donc mettre en ordre de bataille la société américaine pour cette nouvelle guerre d'une nouvelle nature, une chasse à l'homme qui renégocie les frontières de la légalité et du droit international. La théorie de l'avocat Alan Dakowitz, de la bombe à retardement utilisée dans les débats éthiques sur la torture, est contemporaine de la diffusion d'une série télévisée, 24 heures chrono, dont le succès va largement dépasser sa vocation de divertissement. Son héros, Jack Bauer, agent d'une cellule d'État antiterroriste, se fait l'outil idéal pour préparer l'acceptation de la torture par la population. Un héros solitaire, viril et tourmenté, cher au mythe américain, qui prend sur lui la souillure morale pour sauver le monde assailli par la crainte à peine dissimulée, la démocratie n'affaiblirait-elle pas la nation? Ça, c'est de la question des bourreaux aux mains propres, un documentaire à voir sur la plateforme d'Arte. On retrouve les liens utiles et les informations sur la page du journal de l'histoire, franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission donc qui aujourd'hui était à la fois carnée et désincarnée. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane Viudès, Camille André, Alice Rouet, des personnes bien réelles qui préparent bien l'émission. Des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Ou vous pouvez nous rejoindre également sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire, où vous êtes de plus en plus nombreux et nous discutons de la radio, de l'émission, de l'actualité de l'histoire. La semaine prochaine, capitalisme, d'où viens-tu? Eh oui, vie et mort du capitalisme. Le capitalisme est-il le meilleur des mondes avec Thomas Piketty? Nous allons aussi parler des clichés capitaux sur les images du capitalisme et évoquer le capitalisme sous les tropiques. Oui, le capitalisme des planteurs dans les Antilles. C'est ça, dans le cours de l'histoire, toute la semaine prochaine.